إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous allons revenir sur l'épisode de la construction de la maison sacrée Al-Ka'ba, car Ibrahim alayhi salat wa salam y est directement lié, car il est, selon l'avis de certains savants, celui qui l'a construite avec l'aide de son fils Ismaïl alayhi salam. Al-Ka'ba est la demeure sacrée d'Allah sur terre. C'est aussi la première demeure construite pour l'adoration, pour les gens, comme Allah le dit, tabaraka wa ta'ala, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allah nous dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens des versets, à surat numéro 3, les versets 97 et 96, la première demeure qui ait été édifiée pour les gens est celle de Bakka, béni, est-elle une guidée pour l'univers. Vous y trouvez des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens, qui ont les moyens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Et quiconque ne croit pas, alors Allah se passe largement de l'univers. Cette ancienneté dans le temps, puisque la Kaaba a aussi été appelée Al-Baytul Atiq, la maison ancienne, ou la demeure ancienne. Cette ancienneté dans le temps implique que cette demeure est prééminente sur toutes les autres. En effet, la primauté d'une demeure, d'une mosquée, ou tout édifice lié à l'adoration se caractérise par trois critères. Premièrement, de par les nombreuses adorations qui y sont accomplies, et ceci depuis les premiers temps. Deuxième critère, en considération de celui qui l'a construite. Et troisième critère, pour quel objectif elle fut construite. Si on le regarde de plus près, ces trois critères, et si on les appose sur la Kaaba, on verra que, en réalité, la Kaaba bénéficie d'une prééminence sur l'ensemble des demeures et des mosquées qui ont été édifiées à travers le temps pour Allah tabaraka wa ta'ala. Les nombreuses adorations qui y sont accomplies depuis les premiers temps, combien de gens affluent par millions chaque année vers la Kaaba pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième critère, celui qui l'a construite, Ibrahim alayhi salatu wa salam, un des plus grands prophètes qui a foulé la surface de cette terre, avec son fils Ismaïl, selon l'avis de certains savants. D'autres savants considèrent que ce sont les anges qui l'ont construite. Puis elle fut reconstruite par Adam, puis par Ibrahim par la suite. Et troisième critère, l'objectif pour lequel elle fut construite pour Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. En surat Tawbah, le verset numéro 108, Allah dit dans le sens des versets, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. Cheikh Sa'di, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, a dit, concernant les versets que nous avons cités en début du cours, Allah nous informe du statut dont bénéficie cette demeure sacrée. Elle est la première demeure dont l'édification a été ordonnée par Allah Jalla Jalalu pour les gens. Ils y accomplissent leurs adorations et leurs péchés sont pardonnés, leurs manquements effacés et ils obtiennent par leur obéissance et leur sacrifice l'agrément de leur Seigneur, ses récompenses et le salut contre son châtiment. Fin de citation. Al-Kaaba est aussi la qibla des musulmans, ainsi que la demeure autour de laquelle ils tournent autour d'elle lors de la visite sacrée, Al-Umra, ou du pèlerinage, Al-Hajj. Cependant, les savants ont divergé sur celui ou ceux qui ont construit la Kaaba pour la toute première fois. Il y a deux grands avis sur la question, sans vouloir s'étaler dessus. Le premier avis, c'est ceux qui disent que c'est Ibrahim ainsi que son fils Ismaïl qu'ils l'ont construit. Et ceci en regard du verset suivant. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Sourate numéro 2, le verset 107. Et lorsque Ibrahim éleva les fondations de la demeure ainsi que Ismaïl, ils dirent, ô Seigneur, accepte de nous car tu es certes celui qui entend tout, l'omniscient. Le deuxième avis, c'est de dire que ce sont les anges qui l'ont édifié. Puis, elle fut détruite lors du déluge de Nuh, alayhi salatu wassalam, ou à son époque, et Ibrahim ainsi que son fils l'ont reconstruite sur ses anciennes fondations. Ce qui laisse penser que cette demeure fut construite bien avant qu'Ibrahim ne vienne au monde. Car Allah dit tabaraka wa ta'ala, reprenant les paroles d'Ibrahim, Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadil ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. La sourate numéro 14, le verset 37. Allah dit dans le sens des versets, ô Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée. Ô Seigneur, afin qu'ils accomplissent ta prière, fais que penche vers eux le cœur d'une partie des gens et nourris-les de toutes sortes de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Ainsi, il laissa une partie de sa descendance dans une vallée sans culture près de la demeure sacrée. Ceci sous-entend que la demeure était déjà présente bien avant Ibrahim et il ne restait que les fondations. De plus, pour répondre au premier, ils disent qu'il est impossible au moment où Ibrahim invoqua son Seigneur que la demeure était déjà présente, car nous savons que ceux qui l'ont édifiée étaient Ibrahim et son fils, ou plutôt ceux qui l'ont reconstruit. Comment son fils aurait-il pu aider son père alors qu'il était encore un nourrisson? Quoi qu'il en soit, c'est une divergence chez les savants qui n'a aucune implication dans les lois religieuses, de telle sorte que l'ignorance sur ce sujet n'est pas préjudiciable. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, Allah Jalla Jalalu mentionne que son serviteur et messager, son élu, son ami privilégié, l'imam des monothéistes, le père des prophètes Ibrahim alayhi salatu wassalam, a bâti la maison antique, qui est le premier lieu de culte construit pour l'ensemble des gens, afin qu'ils y adorent Allah, qui en indiqua l'emplacement à Ibrahim. Il dit un peu plus loin, rahimahullah wa tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla Jalalu a ordonné à Ibrahim alayhi salatu wassalam de lui bâtir une maison qui soit pour les habitants de la terre semblable au lieu de culte des anges dans les cieux. Allah l'a guidé vers le lieu prévu et spécifié à cet effet depuis la création des cieux et de la terre, comme cela est rapporté authentiquement dans les deux recueils des hadiths authentiques, le Sahih de l'imam al-Bukhari wa Muslim, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah a rendu ce territoire sacré, c'est-à-dire la Mecque, la région de Bakka et ses environs, le jour où il a créé les cieux et la terre. Il restera sacré par la volonté d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Ce hadith, vous pouvez le trouver dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, sous le numéro 1834. Et celui de Muslim, sous le numéro 1353. On remarquera au passage que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, considère que l'édification de la maison antique de la Kaaba fut l'œuvre de Ibrahim et celle de son fils Ismaïl alayhi salam. L'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala dit un peu plus loin: Allah dit, la première maison qui ait été édifiée pour les gens est celle de Bakka. Bénie est-elle une guidée pour l'univers. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Il est mentionné dans le Coran le terme de Bakka. Les savants ont divergé à cet effet, à savoir que signifie Bakka. Certains ont dit que souvent dans la langue arabe, le mim et le ba peuvent s'intervertir. Bakka, Makka. À la place du ba, on met un mim et vice versa. Comme on dit par exemple lazib, lazim. Ça c'est un avis chez les savants. Un autre avis est de dire que l'endroit où a été construit la Kaaba précisément, dans ses dimensions, s'appelle Bakka. Et tout autour, la région autour s'appelle Mekka. Quoi qu'il en soit, c'est aussi une divergence qui n'est pas préjudiciable et qui n'a aucun impact sur les lois religieuses. Alors, l'imam Ibn Kathir a dit, en commentaire de ce verset coranique, c'est-à-dire que la première construction qui fut une bénédiction et une guidée pour l'ensemble des gens est la maison se situant à Bakka, nommée également Makka, ou encore le lieu de la Kaaba. Vous y trouvez des signes évidents, c'est-à-dire qui prouvent que cette construction fut l'œuvre de l'ami privilégié d'Allah, le père des prophètes, qui lui succéderont, l'imam des monothéistes, parmi ceux de sa descendance qui suivent sa voie et le prennent pour exemple. C'est pour cela qu'Allah Jalla Jalalu a dit, parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout, c'est-à-dire le rocher sur lequel il se tenait debout lorsque la construction prit de la hauteur, comme nous l'avions déjà évoqué quelques cours auparavant. Son fils posa alors ce fameux rocher lorsque la construction s'éleva et que la surface autour de la Kaaba prit de l'ampleur. Ce rocher sur lequel s'appuyait Ibrahim alayhi salatu wa salam pour continuer l'édification de la Kaaba lorsqu'elle prit de la hauteur était collé au mur de la Kaaba. Et ceci jusqu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab lorsqu'il fut calife. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. C'est sous son califat et sous son ordre qu'elle fut éloignée de la Kaaba pour ne pas qu'elle distrait les gens ou ceux qui prient à côté de cette pierre et pour ne pas gêner aussi ceux qui tournaient autour de la demeure sacrée. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala lui donna raison en ceci. Et à plusieurs reprises, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, lorsque Omar ibn al-Khattab dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne pas faire de la station d'Ibrahim un lieu de prière? Et Allah révéla, وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Donc au temps du prophète, Omar avait décidé ou avait suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire de cet endroit, alors que la pierre était encore collée à la Kaaba, d'en faire un lieu de prière. Et Allah tabaraka wa ta'ala confirma cette suggestion de Omar au prophète sallallahu alayhi wa sallam en révélant ce verset coranique وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Prenez donc pour lieu de prière l'endroit où Ibrahim se tint debout. Ce verset est dans la sourate numéro 2, le verset 125. Ibn Kathir continue et dit, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et lorsque Ibrahim éleva les fondations de la demeure ainsi que Ismaïl, ils dirent tous deux, ô Seigneur, accepte de nous, car tu es certes celui qui entend tout, l'omniscient. Alors qu'ils étaient au summum de la sincérité et de l'obéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala, ils demandèrent à Allah, celui qui entend tout et sait tout, qu'il accepte l'œuvre immense et l'effort louable qu'ils accomplissaient. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Seigneur, fais que nous, ainsi qu'une partie de notre descendance, nous soumettons à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir. Tu es certes celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Ibrahim a donc bâti le plus noble des lieux de culte sur le plus noble des endroits en une vallée ne contenant aucune culture. Il demanda la bénédiction pour ses habitants et qu'Allah leur accorde des fruits malgré le manque d'eau et l'absence d'arbres de culture ou d'arbres fruitiers. Il demanda également à Allah qu'il fasse de cet endroit un territoire sacré et sûr. Allah exauça sa demande. C'est à lui que revient la louange, il répondit à son invocation et lui accorda ce qu'il voulait, bien que cet endroit avait déjà été rendu sacré par Allah, tabaraka wa ta'ala, comme mentionné dans le hadith que je vous ai cité un peu auparavant. Allah rendit sacré cet endroit le jour où il créa les cieux et la terre. Allah dit, Jalla Jalalu, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Sourate numéro 29, verset 67. Allah dit dans le sens des versets, ne voit-il pas que vraiment nous avons établi un sanctuaire sûr, alors que tout autour d'eux, les gens se font enlever. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le même sens, وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dans la sourate numéro 28, le verset 57. Allah dit dans le sens des versets, et ils dirent, si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de nos terres. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Puis Ibrahim demanda à Allah de susciter parmi eux un messager, c'est-à-dire un messager de leur ethnie, de leur race parmi les Arabes, parlant leur langue éloquente et claire, afin qu'ils atteignent les deux grands bienfaits mondains et religieux, à savoir le bonheur et la félicité dans cette vie d'ici-bas, et le bonheur et la félicité dans l'au-delà. Allah répondit donc à son invocation et suscita parmi eux un prophète. Et quel prophète ? Par lequel il scella la prophétie. Il compléta par lui sa religion d'une manière, par lui et pour lui, sa religion d'une manière qu'il n'accorda à personne avant lui. Et son message atteignit l'ensemble des habitants de la terre, malgré leurs différences d'ethnie, de langue et de type, dans tous les pays, à toutes les époques, jusqu'au jour de la résurrection. C'est là une spécificité qu'on lui a accordée parmi tous les prophètes en raison de son mérite, la perfection de son message, la noblesse de sa région, l'éloquence de sa langue, la perfection de sa mansuétude, de sa douceur et de sa miséricorde vis-à-vis de sa communauté, sa magnanimité, sa clémence, sa naissance éminente et l'excellence de ses origines, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, souligne aussi le fait que la demeure sacrée à l'époque d'Ibrahim était beaucoup plus grande qu'elle ne l'était à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est dû au fait que le peuple de Quraysh l'a bâti de nouveau sur des bases plus petites que les fondations d'Ibrahim sur une de ses longueurs. Aïcha radiallahu tabaraka wa ta'ala anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne sais-tu pas que lorsque ton peuple a construit la Kaaba, ils l'ont fait sur des bases plus petites et plus courtes que les fondations de Ibrahim ?» Elle dit « Ô messager d'Allah, pourquoi ne la construis-tu pas sur les fondations d'Ibrahim ?» Et le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, « Si ton peuple n'avait pas quitté depuis si peu de temps la mécréance, je l'aurais fait. » Et dans une autre version, « Si ton peuple, c'est-à-dire les Arabes, les musulmans qui venaient de se convertir à l'islam, Si ton peuple n'avait pas quitté depuis si peu de temps l'époque d'ignorance ou de mécréance, j'aurais dépensé sur le sentier d'Allah le trésor de la Kaaba, j'aurais mis sa porte au niveau du sol et j'y aurais inclus Al-Hijr. Al-Hijr, cette partie en forme d'arc que l'on trouve sur la partie nord de la Kaaba. En réalité, elle fait partie intégrante de la Kaaba, mais à l'époque de Quraysh, avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce Hijr, cette partie en demi-cercle, fut sortie de la Kaaba. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Zubayr, radiallahu tabaraka wa ta'ala, qui était le calife de la Mecque et de ses environs, alors qu'il était en conflit avec l'autre calife, Abdelmalik ibn Marwan, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Abdullah ibn Zubayr décida de reconstruire la Kaaba selon sa forme d'origine, c'est-à-dire celle à l'époque d'Ibrahim. Et il est évident qu'Abdullah ibn Zubayr n'a pas fait ceci de sa propre initiative, mais il fut averti de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons cité il y a quelques instants. Lorsqu'il fut tué en l'an 73 de l'Hégire ou en l'an 74 de l'Hégire, le calife Abdul Malik ibn Marwan décida qu'on redonne à la Kaaba sa forme qui était la sienne à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pensant que Abdullah ibn Zubayr avait entrepris ces changements de sa propre initiative. Ils cassèrent le mur nord et ils sortirent l'enceinte de Ismaïl, ce qu'on appelle Hijr Ismaïl, cette forme en demi-cercle. Puis, ils fermèrent le mur en jetant les pierres restantes à l'intérieur de la Kaaba. Ils condamnèrent et fermèrent la porte du côté ouest, qui n'existe plus actuellement, mais qui existait à l'époque d'Ibrahim, car il y avait deux portes. Bab al-Sharqi, la porte orientale, c'est celle qui est toujours présente, et une porte qui s'opposait à cette porte orientale et qui donnait vers l'ouest. Bab al-Gharbi. Cette porte occidentale fut condamnée et fermée sous l'ordre du calife Abdelmalik ibn Marwan, comme elle était condamnée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils condamnèrent cette porte et laissèrent la porte orientale qu'ils surélevèrent. Lorsqu'ils apprirent que Abdullah ibn Zubayr radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma avait suivi les injonctions de Aïcha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, ils regrettèrent de ne pas l'avoir laissée telle qu'elle était. Car en réalité, Abdullah ibn Zubayr n'a fait qu'appliquer le souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam de reconstruire la Kaaba à l'image de l'édification d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Un peu plus tard, à l'époque du calife al-Mahdi ibn Mansour rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ce dernier consulta l'imam Malik rahimahullah tabaraka wa ta'ala pour rebâtir la Kaaba de nouveau à la manière de Abdullah ibn Zubayr, sous-entendu à la manière de Ibrahim. L'imam Malik, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, lui répondit qu'il craignait que cela ne devienne un jeu pour les rois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un roi sera intronisé, il la bâtira ou la reconstruira comme il le souhaite. De ce fait, la Kaaba resta donc ainsi, telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Ses dimensions actuelles sont de à peu près 15 mètres de haut, 12 mètres 50 de longueur et 10 mètres de largeur. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك